ne sais pas le pas de cha-cha-cha, encore moins celui de la samba. Je ne sais pas le pas de bossa nova, mais je sais faire les 100 pas. 100 pas au désespoir, traîner déjà sur le trottoir. Je mine une petite vengeance, mais je crois qu'elle s'en balance. Bientôt 2 heures maintenant, je peux attendre encore longtemps. Et déjà dans le petit square, mon ange passe sur ses deux gros souliers. Il vient de Bakou de la Trinité. Et il me dit ne perds pas ton temps à jouer ce jeu de convaincant. Regarde un peu là derrière toi, cette jolie fille tout en émoi, c'est la sorcière.